Chapitre 24e. Georges Fritz savait cette beauté qui vient de l'âme, car du reste, ses traits irréguliers, sa maigreur et l'abandon inculte de ses manières le rangeaient dans la classe des hommes que beaucoup de femmes ne remarquent pas, mais dont le mérite, en quelque sorte intérieur et voilé, retient plus que tout autre le cœur d'une amante. Depuis quelque temps, les yeux intérieurs de Pulcheri s'étaient ouverts sous l'action du magnétisme à une seconde vue qui pénétrait la nuit obscure de l'avenir. Elle avait des pressentiments qui ne la trompaient jamais. Son esprit découvrait dans le sommeil des traces fugitives et lumineuses d'événements non encore accomplis dont elle faisait part à Fritz. Un matin, que l'air frais de la nuit soufflait ses dernières brises dans les feuillages du parc, Pulcheri raconta à Georges un songe qu'elle avait fait dans la nuit. « Je rêvais, lui dit-elle, que nous causions tous les deux au balcon. Nous étions gais et heureux comme nous voilà. Un banc frais, tout chargé de la laine des fleurs, entrait légèrement dans le salon dont il agitait les rideaux. Pendant que nous nous entretenions ainsi follement, en nous tenant les mains, nous entendîmes frapper à la porte trois coups. Nous nous regardâmes avec une inquiétude sourde. Ces trois coups nous avaient heurtés au cœur, nous ne les entendîmes pas, nous les sentîmes. La porte s'ouvrit d'elle-même. L'être qui entra, c'était moi, ou plutôt c'était mon spectre, car je me vis pâle, livide et morne en face de moi-même. Ce spectre s'avança du balcon où nous prenions l'air et m'appela trois fois par mon nom. L'effroi me saisit et je m'éveillai. « Voilà un affreux rêve, » remarqua Georges. « Affreux, en effet, » reprit Pulcheri. Cet être double, toute cette gaieté d'un côté et toute cette pâleur de l'autre, ce vivant, en face de son ombre, n'y a-t-il pas là de quoi éveiller de sombres pressentiments ?» « Et vous êtes bien sûr, » insista Georges, « que ce spectre fut le vôtre. »« Oui, je me suis reconnu. Ce spectre avait mes traits, mon regard et ma voix. Je n'en puis douter. Seulement il était, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus pâle que moi. Je lui ressemblerai sans doute quand je serai morte. » Georges et Pulcheri, après s'être promenés quelque temps en silence, rentrèrent tristement au château.